À l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, ont eu lieu les réunions commémoratives en Espagne, au Danemark, en Grande-Bretagne, en Serbie, en Ouganda, au Pérou et au Mexique. Y en prépare les personnalités de différents milieux et autres habitants des pays hôtes. Les orateurs ont exalté les exploits immortels du président Kim Il-sung, qui a vaincu les impérialistes américains et japonais, transformé la Corée en état socialiste souverain, indépendant et autodéfensif, et fait une grande contribution à l'œuvre de la réunification de la patrie et à la cause d'émancipation de l'humanité.